Chapitre 18e. Les débats de cette grave affaire, désignés depuis longtemps au palais sous le titre du drame de la rue de la Paix, s'ouvrirent enfin devant la cour d'assises de la Seine dans la seconde moitié de février 1848. Malgré l'espèce de fièvre politique qui semble depuis quelques jours s'être emparée des Parisiens, malgré les préoccupations causées par les fameux banquets patriotiques qui se préparaient, une foule nombreuse se pressait depuis le matin aux abords de la cour d'assises. À 9h30, les privilégiés, auxquels s'étaient mêlées plusieurs femmes du monde, sont admis à pénétrer dans la salle et vont se placer derrière les bancs réservés aux témoins. Le public entre quelque temps après et se tient debout dans l'enceinte qui lui est affectée. Sur la table des pièces à conviction, on remarque seulement un long couteau et un portefeuille rouge ouvert à la page où Maurice Vidal a tracé quelques mots avec son sang. Une dizaine de témoins ont été cités par le ministère public. Il n'existe pas de témoins à décharge, Langlade ayant refusé d'en désigner son défenseur. La cour entre en audience à 10h15. Le tirage du jury a lieu dans la chambre du conseil. Contrairement au bruit qui circulait depuis un instant dans le public, on n'a mis à Langlade ni menottes ni camisole de force. Le président a jugé inutile cette mesure de précaution. Elle n'est employée de reste qu'à la dernière extrémité, car l'accusé, à moins de circonstances très exceptionnelles, doit avoir devant ses juges toute la liberté de ses mouvements. Deux gendarmes entrent avec Langlade et s'assoient à ses côtés. Il ne paraît pas avoir conscience de ce qui se passe autour de lui. Il est très abattu et semble éviter de regarder dans la salle. Un certain désappointement se manifeste dans le public. On s'attendait à voir un tout autre homme, on espérait dès le début des scènes de violence. Le bruit se répand au dehors que l'accusé n'est pas à la hauteur de sa réputation, qu'il a tout de suite été intimidé par l'appareil de la justice. Les gendarmes, à qui l'on a ordonné de ne pas perdre un seul instant de vue leur prisonnier, se demandent s'ils n'ont pas reçu des instructions inutiles. Quelques minutes encore, et leurs ailes va se ralentir. « Accusé, levez-vous !» dit le président. Langlade ne bouge pas. « Gendarme, » reprend le président, « aidez l'accusé à se lever. » Les gendarmes prennent Langlade chacun par un bras et le soulèvent. Il les regarde, d'un air étonné, mais tranquille, comprend sans doute ce qu'on veut de lui et se tourne vers la cour. « Quels sont vos noms et prénoms ?» demande le président des assises. « Hector Langlade, » répond l'accusé. « Votre âge, 36 ans. Vous êtes né dans le département de Vaucluse, oui, près d'Avignon. Vous avez été condamné deux fois, la première à 5 années, la seconde à 20 années de travaux forcés. C'est possible. » Vous vous êtes sauvé à 2 reprises des bagnes de Toulon et de Brest? Oui. Au moment de votre dernière arrestation, vous demeuriez rue Croix, Petit Deschamps, 22? Oui. Il va être donné lecture de l'acte d'accusation dirigé contre vous. L'accusé se laisse retomber sur un banc, sans qu'on l'y invite, renverse la tête en arrière et ferme à moitié les yeux. Le greffier lit l'acte d'accusation. Nous passerons cet acte sous silence, puisque nos lecteurs connaissent déjà l'avis de Langlade et sont au courant des charges qui pèsent contre lui. Quand cette lecture est terminée, on procède à l'appel des témoins. Au nom de Stéphanie Cornu, dite soleil couchant, Langlade ouvre les yeux, pâlit, mais sa tête reste immobile. Les témoins se retirent dans la salle qui leur est affectée. Le président se dispose à procéder à l'interrogatoire de l'accusé et l'invite de nouveau à se lever. « Pourquoi faire ?» demande Langlade. Pour répondre aux questions que je vais vous adresser. « C'est inutile alors, dit Langlade, puisque je ne veux pas répondre. » Une légère rumeur, aussitôt réprimée par quelques paroles du président, a lieu dans l'assemblée. On commence à comprendre que l'accusé n'est peut-être pas aussi commode qu'il en a l'air. « Accusé, dit le président avec beaucoup de douceur, je vous ferai observer que vous nuirez à votre cause dans l'esprit de messieurs les jurés en persistant dans votre système. J'ai avoué mon crime. » dit Langlade, « que veut-on de plus ?»« Monsieur le Président, on veut savoir de vous-même, sans avoir besoin de s'en rapporter exclusivement aux témoins, de quelle façon le crime a été commis. Je vous le répète, l'indulgence du jury et de la cour ne peut vous être acquise que si vous vous soumettez aux usages en vigueur dans cette enceinte. Je ne demande l'indulgence de personne, » dit Langlade, sans élever la voix. « Envoyez-moi le plus vite possible à l'échafaud, c'est tout ce que je désire. » L'avocat nommé d'office pour défendre l'accusé se penche vers lui et essaye de lui faire entendre raison. Il n'y parvient pas. Le président, après avoir attendu patiemment la fin de ce colloque, décide que l'accusé, refusant de répondre, et la cour n'ayant aucun moyen de l'y contraindre, on va passer à l'audition des témoins. Le premier témoin appelé à comparaître est Madame Vidal. Un vif sentiment d'intérêt se manifeste dans le public. Le président prie le témoin de vaincre sa légitime émotion et de répondre aux questions qu'on est malheureusement obligé de lui adresser. Julia Vidal donne des détails sur son arrivée à Paris, les difficultés qu'elle a éprouvées à entrer chez elle, l'état où se trouvait son appartement. Elle répond à plusieurs autres questions avec plus de calme qu'on ne pouvait espérer. Quand cet interrogatoire, que le président abrège le plus possible, est terminé, Mme Vidal demande s'il est obligé de rester à l'audience jusqu'à la fin des débats. Le président, après avoir consulté messieurs les jurés et l'avocat de l'accusé, autorise Julia à se retirer chez elle. Elle salue avec dignité et sort. Le second témoin entendu est le concierge de la rue de la Paix. Sa déposition est entièrement conforme à celle qu'il a faite précédemment au juge d'instruction. Nous n'y reviendrons pas. Le défenseur de l'accusé prie messieurs les jurés de remarquer que le témoin soutient n'avoir vu personne monter le 19 octobre chez Maurice Vidal. Si Langlade était entré dans la maison, ajoute l'avocat, il n'aurait pu passer inaperçu. Son imposante stature l'aurait trahi. Un débat s'engage sur cette question entre le défenseur et l'avocat général. Langlade, muet jusque-là, donne tout à coup des signes d'une vive impatience et s'écrie « À quoi bon tout cela? Je vous dis que c'est moi qui ai fait le coup, finissons-en !» Le président a l'accusé d'une voix ferme « Accusé, puisque vous refusez de prendre la parole pour nous répondre, nous ne vous permettrons pas d'interrompre cette audience. Votre avocat vous défend comme il l'entend, sa tâche n'est déjà pas si facile, ne la rendez pas impossible !» L'avocat général essaie à son tour d'expliquer à l'accusé que ses aveux ne sauraient suffire à la justice. Elle doit s'entourer de toutes les preuves propres à l'éclairer. Il dit en terminant « Lorsque le criminel, ayant horreur de ses forfaits, en arrive à s'abandonner lui-même, la loi, toujours protectrice, prend encore sa défense. » Ce mouvement oratoire ne touche aucunement Langlade qui se contente cette fois de lever les épaules. Au précédent témoin succèdent plusieurs locataires du numéro 6 de la rue de la Paix. De leurs différentes dépositions, il résulte qu'ils n'ont entendu ni remarqué rien de particulier pendant la nuit du 19 octobre. Le nommé Jacquet, concierge de la maison où demeurait Stéphane Cornu, rue Neuve-Saint-Augustin, déclare avoir vu un jeune homme monter chez elle un soir du mois d'octobre dernier. Il ne peut préciser la date. Le signalement qu'il donne de cet inconnu paraît à peu près conforme au portrait de Maurice Vidal. Le défenseur fait cependant observer qu'au dire du témoin, cet individu avait une taille au-dessous de la moyenne. Les personnes qui ont connu Maurice Vidal s'accordent au contraire à reconnaître que sans être grand, il n'avait jamais passé pour petit. Le président au témoin. Qu'est-ce qui vous fait supposer que la personne dont vous parlez montait chez la fille Stéphanie Cornu? Je l'ai vu causer avec elle, la veille, sous la porte cochère. Alors cet individu ne vous a pas demandé à quel étage demeurait votre locataire? Non, monsieur. On lui avait probablement donné les indications nécessaires. La fille Stéphanie Cornu avait-elle l'habitude de recevoir des personnes étrangères? Non, je n'avais vu jusqu'à ce jour chez elle que monsieur. Le témoin se tourne du côté de Langlade. Et l'accusé, lorsqu'il est arrivé un instant après, vous a-t-il parlé? Oui, monsieur le président, il m'a demandé si mademoiselle était chez elle. J'ai eu peur qu'il n'y ait du grabuge là-haut et j'ai répondu qu'elle était sortie. Cependant, il l'a montée? Oui, monsieur le président. Il ne s'en est pas rapporté à moi. Et vous l'avez vu ressortir? Une demi-heure après, environ, il marchait quelques pas de l'autre personne. J'ai cru qu'ils se connaissaient. L'accusé vous parut-il agité quand il passa devant vous? Oui, monsieur. Mais cela ne m'a pas causé d'inquiétude. Il se disputait souvent avec ma locataire. En général, lorsqu'il sortait de chez elle, il n'était pas dans son assiette. Avez-vous eu personnellement à vous plaindre de ces violences? Oh, très souvent, monsieur, il a voulu une fois me jeter par la fenêtre. À cette déclaration, plusieurs éclats de rire retentissent dans l'enceinte réservée au public. Monsieur le Président, je déclare une dernière fois que je suis prêt à réprimer rigoureusement toutes les démonstrations de quelque nature qu'elles soient. Le calme se rétablit. Le Président témoin. Alors, suivant vous, l'accusé était d'une violence extrême? Oui, Monsieur le Président, mais ce n'était pas cependant un mauvais homme. Lorsqu'il n'était plus en colère, il venait me demander pardon et me glissait toujours dans la main une pièce de 40 sous. Nous résumons ces débats au lieu d'en donner, comme il nous serait facile, le compte-rendu exact. Depuis longtemps, nos lecteurs sont initiés aux détails de ce procès, et nous craindrions de les fatiguer. Nous passons donc certaines des positions importantes comme celle du commissaire de police de la section des Tuileries, du médecin légiste, de Vibert, qui toutes nous sont à peu près connues pour nous occuper de l'interrogatoire de soleil couchant. L'arrivée de ce nouveau témoin ne nous apprendra rien que nous ne sachions déjà, mais elle va modifier d'une façon sensible l'attitude de l'accusé et préparer le singulier incident qui doit terminer ces débats d'une façon inattendue. Comme on peut le prévoir de la part d'une pareille créature, soleil couchant avait mis pour la circonstance sa plus riche et plus éclatante toilette. À l'appel de son nom, elle s'avança sans hésitation, souriant à tous ceux qui se penchaient pour la regarder. L'accusé, toujours dans la même attitude, ne détourna pas la tête. Ses yeux à moitié fermés ne s'ouvrirent pas davantage. On aurait pu croire que ce nouveau témoin lui était aussi indifférent que les autres. Cependant, un physionomiste attentif se serait ému de certains indices significatifs. Les sourcils de l'Anglade s'étaient froncés, ses lèvres avaient pâli, ses doigts frémissants battaient la mesure sur la banquette placée devant lui. « Vous connaissez l'accusé ?» dit le président à soleil couchant après les questions d'usage. « Oui, monsieur, beaucoup, beaucoup trop même, » ajouta-t-elle en souriant. « Vous nous ferez grâce de toute espèce de commentaire, » reprit le président d'une voix sévère. « Votre beaucoup trop était inutile, beaucoup suffisait. » Vous voudrez bien surtout essayer d'être plus sérieuse. N'oubliez pas que vous êtes devant la justice et que vous avez déjà comparu dans cette enceinte pour votre propre compte. Maintenant, dites-nous tout ce que vous savez sur le malheureux que vos coquetteries ont attiré un soir chez vous. Quand vous aurez fini de parler, je vous adresserai différentes questions. Vous pouvez commencer. Soleil couchant, se tournant tantôt vers la cour, tantôt vers les jurés, tantôt du côté de l'Anglade, posant en un mot pour la galerie, suivant l'expression consacrée, répéta tout ce que nous l'avons déjà entendu dire à Vibert. Son langage trop imagé, le cynisme de certaines expressions, la façon dont elle chargea son ancien amant, soulevèrent à plusieurs reprises dans l'auditoire des murmures que le président, tout en partageant l'indignation générale, fut obligé de réprimer. L'Anglade seule, habituée sans doute aux reproches et aux aménités du soleil couchant, ne fit aucune observation, ne se permit aucun mouvement. Il semblait au contraire prendre plaisir à l'écouter parler. Il s'était peu à peu, malgré lui, tourné de son côté et la contemplait. Son regard n'avait ni haine, ni mépris, ni colère. On y aurait lu plutôt de la tristesse, du regret et de l'admiration. Après avoir répondu à toutes les questions que lui adresse le président et reçu une juste et sévère admonestation, Stéphanie Cornu retourne à sa place. Elle sourit toujours aussi gracieusement à la cour, aux jurés, aux avocats, au public, semble chercher quelqu'un des yeux et ne paraît pas avoir conscience du mauvais effet que son attitude a produit. Le président interroge encore deux témoins et déclare l'audience suspendue pendant un quart d'heure. Les gendarmes se retirent avec l'accusé tandis que des entretiens particuliers s'engagent de tous côtés. Soleil couchant essaie de lier conversation avec ses voisins. Mais par suite d'un sentiment de pudeur, les hommes eux-mêmes trouvent un prétexte pour s'éloigner. Elle a beau décocher ses œillades les plus provocantes aux jeunes avocats stagiaires, ces messieurs se drapent dans leurs robes, enfoncent leurs toques sur leurs yeux, leurs coups dans leurs rabats, et se montrent pour le moment invulnérables. Son isolement commence à lui peser, lorsqu'elle aperçoit tout à coup son jeune anglais, qui a profité de la suspension de l'audience et de quelques protections chèrement achetées pour se glisser dans la salle. Elle le rejoint aussitôt, le fait asseoir à ses côtés et se livre avec lui à une pantomime vive et animée. L'anglais est dans le ravissement. Il rit de toute la longueur de ses dents et met ses pouces dans les entournures de son gilet. Un coup de sonnette retentit, un huissier annonce la cour. L'audience est reprise. Cette fois, en entrant dans la salle, le premier regard de l'accusé est pour soleil couchant. Il aperçoit en même temps le jeune homme avec qui il semble causer de plus en plus familièrement et ses sourcils se froncent. Le président. Monsieur l'avocat général a la parole. L'avocat général se lève et commence en ces termes son réquisitoire. Messieurs les jurés, en venant soutenir devant vous cette redoutable accusation, je ne puis me défendre d'une grande tristesse, car il s'agit de vous demander un verdict dont les conséquences seront terribles. Mais je dois taire mes douleurs et me rappeler que je suis ici non seulement le mandataire de la société outragée par un grand crime et d'un homme de bien assassiné, mais encore l'avocat de la vie humaine. Ma tâche est difficile, je le sais, mais j'essaierai d'être à la hauteur de ma tâche. Avant tout, il faut, messieurs, que vous connaissiez cet homme qui est devant vous sur le banc des accusés et que vous êtes appelés à juger. Après cet exorde, M. l'avocat général prend l'Anglade dès sa naissance, le suit pas à pas dans la vie et démontre, dans un style des plus élevés, qu'il a toujours été livré aux plus exécrables passions et qu'il n'a jamais respecté ni les lois civiles ni les lois morales. Il décrit surtout, avec une vive indignation et des expressions très dures pour l'accusé, sa longue liaison avec cette fille surnommée Soleil Couchant, cause principale de ses crimes et de son abjection. Enfin, entrant dans le vif de la question, il s'applique à grouper différents faits qui établissent d'une manière irréfutable la culpabilité de l'Anglade. Il termine en soutenant que l'accusé n'est digne d'aucun intérêt et il espère que le jury, fidèle à son mandat, fera taire ses scrupules et frappera le meurtrier en se souvenant de la victime. Pendant ce réquisitoire, l'Anglade témoigne par certains gestes son impatience et son irritation. Ceux qui remarquent cette émotion l'attribuent au ressentiment que l'accusé peut éprouver d'avoir été assez malmené par l'avocat général. Mais des observateurs habiles, qui consulteraient surtout le regard de l'Anglade, trouveraient d'autres causes à l'exaspération qu'il semble éprouver. Le défenseur a la parole. Comme le ministère public, il remonte à la jeunesse de l'accusé, mais il prend soin de démontrer que cette jeunesse, privée de conseils, livrée à elle-même, triste et désolée, milite en faveur de son client. « Monsieur l'avocat général, s'écrie-t-il, c'est plus à peindre cet homme en proie aux plus exécrables passions, livré à tous les vices. Ces vices, je les cherche et je ne les trouve pas. L'homme que je défends n'est pas joueur, n'est pas ivrogne, n'est pas libertin. Non, il n'est pas libertin, car une seule passion a dominé sa vie, celle qu'il a ressentie pour la femme, dont vous avez pu remarquer et la profonde corruption et la fatale beauté. S'il n'eût pas rencontré cette femme, il eût été peut-être un travailleur, un honnête ouvrier. Et si cette femme, au lieu d'être une misérable, eût éprouvé quelques bons sentiments pour l'homme qu'il aimait, l'Anglade ne serait pas ici. Mais ne voyez-vous donc pas, messieurs les jurés, dans la persistance de mon client à ne pas se défendre, les horribles souffrances qu'il éprouve, le profond dégoût que lui inspire la vie, le découragement qui s'est emparé de son âme. Monsieur l'avocat général appelle cela le remords. Moi, je crois que c'est l'amour désolé, l'amour désespéré. Et ma conscience, messieurs, m'ordonne de défendre ce malheureux qui me repousse et qui ne veut pas être défendu. Il se dit coupable, eh bien moi je prétends qu'il veut simplement mourir. Et je soutiens que le condamné saurait prêter la main à un suicide. Vous ne le voudrez pas, vous n'en avez pas le droit. » Ces paroles émues paraissaient produire un grand effet sur l'assistance. Quant à l'Anglade, après avoir écouté un instant son défenseur, il fait un geste qui semble dire « Est-il bon enfant de se donner tant de mal ?» Ensuite, il se tourne vers Soleil Couchant, qui, de plus en plus coquette, lance des regards provocateurs à son jeune Anglais. L'avocat plaide maintenant le fond de l'affaire. Il passe en revue, avec une grande simplicité et un incontestable talent, différents détails qui, selon lui, n'ont jamais été éclaircis. Il s'applique surtout à prouver que Maurice Vidal, quoi qu'en dise le ministère public, ne pouvait connaître l'Anglade et avoir par conséquent l'idée d'écrire le nom du meurtrier. Il rappelle aussi que la victime de l'Anglade, suivant la version de Stéphanie Cornu et du concierge de la rue Neuve-Saint-Augustin, avait un teint des plus chauds et des plus colorés, tandis qu'au dire de toutes les personnes qui l'ont connu, Maurice Vidal était d'une pâleur presque proverbiale. Il y a dans cette affaire, ajoute l'orateur, quelque chose d'étrange et de mystérieux qui doit, messieurs les jurés, faire hésiter vos consciences. Un crime a eu lieu. Un homme s'en reconnaît coupable et certaines preuves se réunissent contre lui, j'en conviens. Eh bien, malgré cet aveu, malgré ces preuves, j'hésiterai, messieurs, je vous le jure, ou plutôt non, je n'hésiterai pas. J'absoudrai cet homme. Je consentirai à ne pas punir un criminel pour n'avoir pas à pleurer toute ma vie sur la mort d'un innocent. Je n'oublierai pas surtout ces paroles d'un de nos plus grands orateurs. Quand Dieu n'a point donné aux hommes le parfait éclaircissement d'un crime, c'est une marque qu'il ne veut pas les en faire juges et qu'il s'est réservé la décision à son tribunal suprême. Au moment où l'on croyait cette éloquente plaidoirie terminée et qu'il circulait déjà dans le public une sorte de rumeur approbative, le défenseur eut, au dire des journaux de l'époque, un des plus beaux mouvements oratoires qu'on puisse imaginer. Il se retourne tout à coup vers l'accusé, lui prend les mains, les lui serre, et l'adjure de dire qu'il n'est pas coupable. Un frémissement court dans l'assemblée, tous les cœurs battent. L'Anglade seule ne semble pas émue des efforts de son défenseur pour le sauver. Ses yeux sont toujours fixés sur Soleil Couchant. Tout à coup, dans la demi-obscurité qui peu à peu envahit la salle, il croit s'apercevoir que l'anglais, assis auprès de sa maîtresse, lui a passé un bras autour de la taille et qu'elle-même appuie sa tête sur l'épaule de son nouvel amant. Il ne peut alors supporter un tel spectacle. De terribles idées de vengeance lui traversent le cerveau, et secouant avec violence les mains que son avocat lui a tendues, il s'écrie « Eh bien non, je ne suis pas coupable !» L'émotion est à son comble dans l'assemblée. Deux ou trois personnes se lèvent. Mais les premières paroles du président ramènent le calme, un instant troublé. « Vous venez un peu tard, » dit-il à l'accusé, « nous parler de votre innocence. Après avoir refusé jusqu'ici de répondre à nos questions, on dirait que vous avez simplement voulu vous réserver un effet. Et nous prions messieurs les jurés de se tenir sur leur garde. Si vous êtes innocent, pourquoi ne l'avez-vous pas dit plus tôt ?»« Et parbleu !» s'écria Langlade, « parce que je croyais être coupable. » « Vous croyez être coupable ?» dit le président étonné. « On peut croire avoir assassiné un homme et ne l'avoir pas assassiné ?» L'accusé. « Eh oui, j'ai tué un homme, mais je n'ai pas tué votre Maurice Vidal. » Le président. « Comment s'appelle l'homme que vous avez tué ?»« Je n'en sais rien, mais il s'appelle d'un autre nom. » « Qui vous le fait croire ?» L'accusé montrant l'avocat général. « Tout ce qu'a dit ce monsieur-là. » Il a parlé pendant une heure du sang qui coulait de la blessure de la victime, du couteau avec lequel on l'avait frappé, d'un cabinet de travail, d'une chambre à coucher, enfin d'un tas de choses qui ne peuvent pas être vraies puisque c'est avec mon poing, oui, c'est avec ce poing-là que j'ai frappé l'individu et je l'ai frappé sous une porte cochère et non pas dans un cabinet de travail. Le président. Nous prions, messieurs les jurés, de remarquer toute l'invraisemblance de ce récit. L'accusé. L'invraisemblance. « Quel intérêt ai-je donc à dire que j'ai tué celui-ci plutôt que celui-là? Je n'en serais pas moins condamné. » Le président. « Oui, mais vous espérez pouvoir faire reculer l'heure de votre condamnation. » L'accusé. « Si j'avais tenu à reculer l'heure de ma condamnation, j'aurais parlé dès le commencement. Je voyais bien que vous pataugiez. » Sans daigner relever ce que les expressions de Langlade ont d'irrespectueux pour la justice, le président lui demande pourquoi il se défend aussi tardivement. « C'est mon secret. » dit Langlade en jetant la dérobée un regard de haine sur Soleil Couchant. Le président. Est-ce dans la rue de la Paix que vous avez tué l'homme dont vous parlez ? L'accusé. Oui, je ne sais pas le numéro, mais c'est dans la rue de la Paix. Quelle heure était-il ? Il pouvait être 10 heures du soir. Et cela se passait en octobre ? Oui, fin octobre. Eh bien, vous venez de prononcer votre condamnation. Aucun autre homme que Maurice Vidal n'a été assassiné dans la rue de la Paix en octobre ou même dans les mois de septembre ou de novembre dernier. À ce moment de l'audience, un membre du jury se lève et demande au président s'il peut placer une observation. Le président. Parlez, monsieur, nous vous écoutons. Le membre du jury. Il est de mon devoir d'appeler l'attention de la cour sur un fait qui vient de me frapper et dont elle n'a peut-être pas connaissance. Au mois d'octobre dernier, quelques jours avant l'assassinat de la rue de la Paix, un de mes amis fut trouvé mort dans cette rue sous une porte cochère. Il n'y avait sur lui aucune trace de blessure qui permît de songer à un crime et on a supposé que d'une nature exceptionnellement sanguine, il avait été frappé d'un coup de sang. Je dois ajouter que sur la tempe gauche, on remarquait une large marque noire. J'ai été le premier à penser à dire que la tête de mon ami, lorsqu'il est tombé, avait dû rencontrer un pavé. Je m'explique maintenant que le point formidable de l'accusé, en frappant sur la tempe, ait pu faire cette marque et donner la mort. Ces paroles, prononcées par un homme qui paraît respectable et à qui sa position de juré donne, en ce moment, une grande importance, produisent un profond effet sur l'auditoire. Chacun s'entretient avec son voisin. L'avocat général fait passer une note au président. Plusieurs jurés demandent des explications à celui de leur collègue qui vient de prendre la parole. Langlade, sans perdre de vue Soleil Couchant, cause avec son avocat. L'audience, sans avoir été régulièrement suspendue, se trouve interrompue. Peu à peu, le calme se rétablit et l'avocat général prend la parole en ces termes. « Messieurs de la cour, en présence de l'incident qui se présente et de l'opinion qu'un membre du jury a manifestée, à son insu, sur le fond de la cause qui nous occupe, nous croyons devoir requérir le renvoi de l'affaire à une autre session. » La cour se retire pour en délibérer. Un instant après, les magistrats regagnent leur siège et le président prononce ces mots. La cour, après en avoir délibéré, faisant droit aux réquisitions de M. l'avocat général, renvoie l'affaire à une autre session. Gendarmes reconduisaient l'accusé. L'audience est levée. Chacun s'éloigne, vivement ému.